Amen. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu apewe sifa. Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. Mungu amibariki kwa utele mangaribi ya leo. Nous vous saluons ce soir dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Tuna misalimia mangaribi ya leo mujina bwana wetu mukozi na mfalme wetu Yesu Kristo. Nous saluons aussi le frère qui nous suit en ligne. Tuna salimia pia banduku bale tufuata kumtandao. Je vous demande de vous lever pour prier et après nous allons lire la parole de Dieu. Niko na milomba musimame njua kuomba na kusoma neno ya Mungu. Prions tous ensemble. Tuombe sisi wote. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1. Nous lisons les trois premiers versets. Tout à son moment, qui et nous sautons le verset 4 et nous lisons aussi le verset 5 et le verset 6. Tout à son moment, il y a tant de paroles citées. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Musa, mtumishi wangu anakufa. Maintenant, lève-toi. Sasa, weshi mama. Passe ces Judée, toi et tous ces peuples. Tambuka Yordani, we, na hii taifa yote. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tous les lieux que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Ni ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. France, toi qui mettras ce peuple en possession du pays, je jure à leur père de leur donner. Que Dieu bénisse sa parole. Mes frères et sœurs, ce soir, nous allons parler sur ce petit sujet que nous avons tiré dans le verset 5. Je ne t'abandonnerai point. C'est ça notre sujet de ce soir. Je ne t'abandonnerai point. Après la mort de Moïse, serviteur de Dieu, Dieu a appelé Josué pour continuer la mission. Et Dieu avait dit à Josué, après la mort de Moïse, que Moïse, mon serviteur, est mort. Mais moi, Dieu, je ne suis pas mort. Je suis vivant. Je dois poursuivre ma mission pour accomplir la promesse que j'ai donnée aux enfants d'Israël. Alors, prends courage. Quand c'est toi qui mettras le peuple dans la possession du pays. Et Dieu a rassuré Josué pour lui dire que tous les lieux que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Ni ne tiendra devant toi, Josué, tant que tu vivras, aussi longtemps que tu seras en vie, aussi longtemps que tu garderas ma parole, personne ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Comme je n'avais pas abandonné Moïse, je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi. Et Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alors, bien aimés frères et sœurs, chaque fois dans la parole de Dieu, si Dieu dit ces paroles, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage. C'est lorsque Dieu voit que son peuple ou ses enfants, ils sont placés devant une épreuve. Ou il y a une épreuve qui est devant eux. Ou ils sont déjà dans l'épreuve. Ils passent par les épreuves. Et Dieu prononce ses paroles pour les fortifier. Vous verrez par exemple ici, il dit fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire que Joseph avait perdu la force. Il était déjà affaibli. Il était découragé parce que le prophète Moïse est mort. Et le Dieu qui avait qui était avec Moïse, le Dieu qui avait appelé Moïse, c'est le même Dieu qui a appelé Josué, et Dieu encourage Josué. Comme il était faible, notre Dieu, il vient toujours au secours des faibles. Il est la force des faibles. Et il dit, prends courage, fortifie-toi. Alléluia. Amen. Et encore ce soir, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui as faibli dans la foi, encore des moments difficiles que tu es en train de traverser, le même Dieu te parle encore, prends courage, fortifie-toi. Alors bien mes frères, Dieu dit, je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Ce sont des paroles d'encouragement. Ce sont des paroles d'assurance que le Seigneur prononce toujours. Chaque fois que son peuple passe par le moment difficile, ou s'ils sont devant une épreuve. Alors, bienvenue, frères et sœurs. Je pense que tous les enfants, je crois que c'est la parole de Dieu. Tous les enfants de Dieu doivent passer par les épreuves. Et une épreuve n'est pas une malédiction pour un. Et une épreuve, ce n'est pas un échec. Jaribu, anasema ni kushindwa, anasema ni kushindwa. Mais l'épreuve, lakini jaribu, la Bible dit, Bibie nasema, le malheur ole, atteint souvent les justes, et kunapata paka benye mais le Seigneur lakini buwana, l'en délivre toujours. Yeye kuna mkombo wa mupaka. Et lorsque nous devenons des chrétiens, nous devons aussi passer par les épreuves. Dieu permet que les épreuves puissent nous arriver. Mais ce n'est pas Dieu lui-même qui nous soumet par les épreuves. Mais Dieu permet à Satan de nous soumettre par les épreuves. Pour tester notre foi. Et pour tester notre attitude. Devant les épreuves. Est-ce que nous allons rejeter la parole de Dieu? Allons nous détourner de Dieu à cause des épreuves? Mais les épreuves sont là. Lakini majaribu c'est pour pale, nous aider aussi. Kutusaidia afin pia, que notre expérience onjo etu, envers notre Dieu mbele ya Mungu etu, puisse devenir de plus en plus réelle. Ipate kuya kabisa kabisa ya kweli. Et c'est par les épreuves na kupitia majaribu, que les chrétiens minifu, font bakristu, une expérience onjo, personnelle ya kipeke, avec Dieu. Na Mungu wabu. Alléluia. Amen. L'épreuve ne commence pas par les péchés. Jaribu yanzaki kupitia nzambi. Non. Apana. L'épreuve jaribu ne commence pas par les péchés ou par la transgression de la loi de Dieu. Ayanzaki na nzambi au na kuvunja sheria ya Mungu. Mais c'est lorsque nous menons une bonne vie chrétienne. Lakini wakati tunaishi maisha mazuri ya Kristo. Comme vous pouvez lire dans la livre de Job. Paka vipi mnasoma mkitabu ya Yobu. La Bible dit que Job était un homme intègre. Biblia sema Yobu alikuwa mtu mnyofu. Un homme droit. Mtu wa kunyoroka. Se détourna du mal. Ule anaanza kwenda mbali na mbaya. Il pouvait offrir les sacrifices. Angeweza hata kutoa masadaka. Pour ses enfants. Juu ya watoto yake. À cause même du péché qu'il n'avait même pas vu ses enfants en train de commettre. Ya zambi ya shikona ki hata watoto wake wanafanya. Mais tellement il voulait que lui et ses enfants soient vraiment, c'est de Dieu. Job, il prenait le sacrifice. Et il offrait à Dieu à cause de ses enfants. Et Job disait, peut-être mes enfants, ils ont offensé Dieu à cause de leur comportement. Vous voyez, frère, mais cet homme Job fut frappé par le diable. Il fut éprouvé parce que le diable ne croyait pas que la crainte que Job a envers Dieu. Le diable se disait, pourquoi cet homme craint Dieu? Ah, c'est parce qu'il n'a pas pambolaye. Il n'aime pas le mal. Le monde, moi, je peine de bibaye. Il est droit. Et quoi, kunyoloka. Et Job, diable, c'est Kinjambi. Job, wana. Yobule. C'est parce qu'on bat la kabilo qu'on a. Njoo, chaque bari qui bitu yake. Njoo, chaque bari qui. Si seulement la boto le bilo qu'on a. Kama una mnyanganya bile bitu yako na bio. Yobu atakulani. Frère, notre amour envers Dieu. Mapende tu na Mungu. Ce n'est pas pour les intérêts matériels. Ana njoo mafaida ya bitu. C'est pas parce que tu as le mariage. Ana njoo kuna ndoa. Ou c'est parce que tu as les enfants. Ana njoo kuna batoto. Que tu aimes Dieu. Njoo na mpenda Mungu. Mais nous les morts. Lakini chetu na mpenda. Parce que notre Dieu. Juu yeni Mungu wetu. Et c'est celui qui nous a aimé le premier. Et il a donné sa propre vie pour nous. Et en retour, nous les morts, de tout notre cœur. Même si nous pouvons manquer les biens de ce monde, nous avons toujours l'amour avec Dieu. Nous les servirons toujours. Alléluia. Amen. Alors Job, sasa Yobu, Dieu a autorisé à Satan. Mungu aliruhusu Shetani. Donc il a frappé Job. Enda kumpiga Yobu. Et vous connaissez. Na munajua. Première attaque za qui dirigé. Attaque ya kwanza. Vers ce bien et ses propriétés. Arenda kubeba mali yake na kuharibu bintu yake. Même ses propres enfants. Na hata kuharibu watoto kubaua. Barikufwa. Tout a bungsa ki yango. Yote aliharibisha. En un seul jour. Mushiku tumoye. Il recevait que les messages des mauvaises nouvelles. Mais écoutez Job. Ça, ça m'ouchique, yo. Job étant à Koutani na épreuve, wana. Yo, wakati kutana na ile majaribu. Job savait que. Yo, barijua kwa mungu. Yo, so la laki na yango. Yo, tarikupata na yo, wakwa na yo. Il tokea ni kwa mungu. Job alobini. Yo, barasema ni. Je suis sorti. Nilitoka. Delese de ma mère ni. Mutumbo ya mama yangu mutupu. Et je retournerai. Na mitarudi amu. Delese de la terre ni. Mubulongo paka mutupu. Le Seigneur a donné et le Seigneur a ôté. Que le nom de l'Éternel soit loué. Et Angela qui coudirait pas na diable. Satan dit m'a quitté. Shetana shikuchike. Malgré nous, on a sali. Mais il garde toujours sa confiance envers Dieu. Il manifeste toujours son amour envers Dieu. Bon, ça va. Ça va. Je viens maintenant attaquer sa propre santé. Minta kwa kupiga mwili yake. Yes, diable a quel sous bête na malade. Shetani akakuya kampiga magonjo. Job alikuwa kiba fetishere te. Yobu ashikuite ba mganga. Pendant tout ce temps, mule wakati yote, il était sous le tas de cendres. Alikuwa majifu. Mais Job, lakini Yobu, a gardé toujours foi na yepa na nzambe. Alichunga paka imani yake kwa Mungu. Jusqu'à ce que diable a kepa na mwashi na ye. Kana pale shetani enda kwa bibi yake. Ona ku influencer Job. Na kumuvuta Job. Ke afi na nzambe. Apate kumuchambula Mungu. Mais Job, lakini Yobu, alobi tu parles comme une femme sensée. Alisema kuna sema sawa mwanamke mjinga. Job n'avait pas dit que tu es une femme sensée. Alishikusema kwa mwanamke mpumbavu. Mais Job a dit tu parles comme une femme sensée. Alisema kuna sema sawa mwanamke mpumbavu. Si nous recevons des biens de la part de Kama Dieu. Kama tunapokea mabitu kwa upande ya Mungu. Ne nous ne pouvons pas aussi recevoir le mal. Et la Bible dit en tout cela, Job ne pécha point. Et la Bible, rien d'injuste ne va dire. Mon frère et ma soeur, même si tu passes dans le moment difficile, gardez toujours la foi en Jésus-Christ. Gardez toujours ta confiance en Dieu. Ne parlez pas comme un païen. Ne parlez pas comme une païenne. Parce que la Bible dit, arrive-tu un malheur, sans que le Seigneur soit l'auteur. Dis qu'à un moment où on met la yoteur, ce qui ne va permettre, mais ce qui ne va permettre, que brève comme la yoteur, ça veut dire que, Yabazo bon s'appelle Okomoko Yamala Munashima. Mais il doit d'abord permettre à l'ennemi de tester. Alléluia. Amen. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Alors, bien aimé frère, avec ce parole d'encouragement, je sais que tout celui qui passe par les épreuves ce soir, tu ne dois pas entendre une voix audible. Ou dit qu'un frère vient aussi m'en parler, comme il avait dit à Josué. Non, ce que vous écoutez ce soir, c'est ça la parole de Dieu. Le même Dieu qui avait parlé à Josué, il te parle encore ce soir, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, même dans les épreuves, il sera tout toujours avec toi. Alors fais-lui confiance. Et avec cette parole d'assurance, ça veut dire que tu peux compter sur moi. Je te dis, tu peux compter sur moi. Je suis ton secours. Alléluia. Amen. Alors, bien, frères et sœurs, et chaque fois, lorsque le peuple de Dieu passe par les épreuves, ou s'ils sont placés devant les épreuves, Dieu dit toujours, ne crains pas. C'est lorsque Dieu voit que, en toi, qui est la crainte, tu crains quelque chose, et Dieu te rassure, que ne crains pas. Le problème est là, qui te fait craindre. J'ai le pouvoir de te délivrer devant cette maladie ou devant ces problèmes. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés frères et sœurs, Dieu permet à Satan de nous soumettre par les épreuves. Alors, vous devez savoir une chose. Lorsque vous devenez des chrétiens, ne pensez pas que vie na bino nyoso, makambotu e kotambo la gata, malamu. Vie chrétienne a facilité Zaté. La vie chrétienne, c'est un combat. Mais nous avons des paroles qui nous rassurent que dans ce combat-là, nous avons un puissant vainqueur qui est le Seigneur Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha. Alors, frère bien-aimé, regardez même Israël. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils allaient à la 3 jours de marche. Mais Dieu n'a pas voulu. C'est une bonne occasion. Que de gauche à droite, il y avait des hautes montagnes qui ne pouvaient pas graver ou fuir. Et devant eux, la mer Rouge était là. Et derrière, l'ennemi le poursuivait. Frère, c'est parfois ce qui nous arrive. Au commun la difficulté, au prier, solution exacte, ni songe, ni vision, ni solution. Osa coincé. Na sima kuna enemi azoya. Nyuma yako kuna kwa adui yako na kuye. Libosoma yako traverser mer rouge zate. Mbele namna kutambuka bwana mkunda ina. Eh bazaki kwese. Na unakuwa mwenye kusoma. Eh babandiko ganga. Na ba kwanza kushikilia. Bali si Moïse tena mtabodi kama mzocha kwa Egypt. Anasema Musa ndio tuanza kuambia watu kwa Misri. Nous servir les Égyptiens. Utuache tutumikie ba Misri. On est devenu Maurice dans le ciel des heures. Kufu hapa mwijangwa. C'est parfois ce qui arrive à d'autres chrétiens. Ma wakati ndio nafika kwa Kristo. Dango za laki nayo paye. Wakati kwa mpagano. Les affaires marchaient bien. Mambo yako makazi yanaanza kuendeka mzuri. Maisha yalikuwa teketeke. Vitu vilikuwa bizuri. Mais lorsque tu es devenu chrétien. Lakini wakati unakuwa Mkristo. La vie devient de plus en plus difficile. Maisha yanaanza kuwa ya nguvu. Et tu commences à raisonner. Na unaanza kufikiri. Quand j'étais dans le monde frère. Wakati nilikuwa mdunia. Ma santé. Haina injo afya yangu. Na jaribu kupenya mwasi frère. Nilikuwa ni mwanamke. Soko talinga ubike mwasi. Wakati nyangalia anasema mwanamke yeye. Mimi ni message. Sasa tanya nimeamini ujumbe. Angalia vipi nakuya. Tu dois passer par là. Unapasha kupitia pale. Ne t'inquiète pas. Lakini hapana kuzuni. Dieu qui a le pouvoir, qui a le contrôle de ta situation. Et moi, j'habite Bango. Restez calme. Ne craignez rien. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ma cambo est au tungisa ma soeur. Ma frère est au tungisa mon frère. Les péchés qui te tourmentent. La maladie qui te tourmente. Désormais, vous ne le verrez plus jamais. Alors, Nzambe Israël, sasa Mungu wa Israël, a dit Moïse, akamwambia Musa, anguria, prenez le bâton, beba bakora, frappez na mai. Pika mai. Est-ce qu'il y a bâton wana, eti bakora ili. Ego fumula mai. Jo naweza kupasula mai. Mais lorsque Moïse a obéi, lakini wakati Musa aliti, à la parole de Dieu, neno ya Mungu, Nzambe fungula kimai. Mungu alifungula bahari. C'est pour cela ce soir. Jo kwa maana mangaribi yale. Bakote nyoso kangamelio. Mamilango yote yenye kufunga. Toutes les portes fermées. Ile mamilango yote ya kufunga. Toutes les barrières que le diable a placées devant toi, je les déclare ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Ayez la foi en Jésus-Christ. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu fort. Un Dieu capable, frère. Même dans les moments difficiles, il est capable de frayer le chemin. Non, il n'a pas le chemin, frère. Oui, frère bien-aimé. Il a ouvert le chemin sur la mer rouge. Il est capable de créer les possibilités là où il y a les possibilités. Moi, j'ai toujours dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est le spécialiste des cas difficiles, des cas compliqués. Et je fais toujours confiance à l'homme de Galilée. Même si vous entendez dans ce monde, oh, il y a un tel spécialiste, un homme de saint, il est spécialiste en chirurgie, il est spécialiste en pédiatrie. Demandez-lui, monsieur le docteur, combien de pourcents oyozwaki diplôme nayo. Mara ngapi yuri ya mia ulipata kwa cheti yako? Akoyebi atazwaki na distinction. Ataripataka atika liko kedite 100%. Awezi kupokea 200 ya 100%. Ina jamais obtenu 100%. Aya pataka 100%. Pour qu'il soit qualifié spécialiste. Juu apate kumuita semu yenye kubijua sana. Peut-être azwaki na 65%. Zingine ripataka tu ni 65. 70. Zingine 70. Peut-être na 80. Zingine 80. Mais Jésus-Christ. Lakini Yesu Kristo. Lui. Je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Et toutes les maladies là, la maladie de l'esprit, malaria, la maladie du corps, malaria, même la maladie de l'âme, Jésus-Christ, Azali spécialiste, Abiki Sakayango. Mais le médecin de ce monde, lakini baganga il peut te guérir de la malaria, mais si tu es menté, lakini kama kumumuto kudanganya. Oza ya maladie ya esprit, ukuna magonjwa ya kiro. Olobi bo, je souffre vraiment de l'impudicité. Asema mina teso sana na busharati. Je vais être guéri de ce démon de l'impudicité. Il sera incapable. Mais Jésus-Christ nous guérit de toutes nos maladies. C'est pour cela, mes frères et sœurs. Fais-lui confiance. Fais confiance à Jésus. Alors, bien-aimé, Chaque fois que mara, le peuple de Dieu traverse des moments difficiles, Dieu est toujours là pour le fortifier. Il nous fortifie par sa parole. Lorsque la crainte s'empare de nous, lui, il nous dit toujours, ne craignez rien. C'est parce que ayebi que problème aux obarisayo. Alors c'est les membres na gopa. Azana na autorité li corona yango. Eko na mamlaka yule les membres. Et regardez une chose frère. Mangare sa kitu kimwa banduku. Lorsque le peuple wakati jaribu va vous arriver. Itakufikia. Dieu ne dit pas. Mungu ashisemake. Le peuple arrive. Et jaribu nafika. Là ça va provoquer la peur. Ile takuletea boka. Et tu vas commencer à trembler. Na utaanza kutetemeka. Mais Dieu. Lakini Mungu. Il nous rassure. Eko na tuhakikishia tu. Comme un père. Sawa baba. Ole na dudu nous dit. Ana tuambia. Que le peuple arrive. Ole kutuambia kama jaribu nafika. Ujitayarishe. Il nous dit simplement. Eko nasema tu. Je ne te délaisserai point. Sita kuachilia hapana. Je ne t'abandonnerai point. Sita kutupa hapana. Ça veut dire que même étant le peuple koya. Nikusoma hata jaribu nakuya. Wewe usiogope. Je suis avec toi. Je suis ton secours. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs. Ça va peindre nous une date. Dans le livre des chroniques. Mukitabu ya mambo ya siku ya pili. Chapitre 20. Lisons rapidement. Msura ya makumi mbili tusome kwa haraka. Lorsque tu passes par les épreuves, wakati unapita majaribu, toi, l'enfant de Dieu, wewe mtoto wa Mungu, ne t'inquiète pas. Hapana kuhangaika kuzunika. Et ne demande même pas à Dieu. Hapana kumuliza hata Mungu. Que Seigneur, asema Bwana, éloigne de moi ces épreuves. Peleka mbali nami majaribu. Je n'aime pas la vie des épreuves. Mimi sipendake maisha ya majaribu. Non, la vie des chrétiens, maisha ba Kristo, ce sont les épreuves. Ni paka majaribu, makubipimo, les tribulations. Mama, teso makubwa. Nous devons passer par toutes ces choses. Napasha kupita pa bile biote. Mais notre Dieu, lakini Mungu, il nous a promis Aritulaka, que il ne nous abandonnera point. Josaphat, roi d'Israël, avait un problème difficile. Alors, sasa, Baibisa qui est qui, il y a une grande foule. Une multitude nombreuse qui se prépare pour t'attaquer. Et la Bible dit que Josaphat, Azalaki na kubanga makasi. Mais, Azalaki alo kumwa kwa malamu. La Bible dit, dans sa frayeur, il se disposa de chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Israël. Nous allons à 2 Chroniques chapitre 20. Mais pour gagner le temps, je vais seulement lire le verset 15. Pendant qu'ils étaient en prière et en jeûne, l'Esprit de Dieu descendit, un jeune lévite, et Dieu parla à toute l'assemblée d'Israël. Verset 15. Et Zakaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, est-ce que vous êtes attentifs? Soyez attentifs. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Devant cette multitude nombreuse. Quand ça ne serait pas vous qui combattrez. Ça sera Dieu. Vous voyez, frère, banduku, Dieu dit toujours, Mungu ne craignez rien. Ça ne sera pas vous qui combattrez, mais ça sera Dieu. Lakini ni Mungu verset 17. Vous n'aurez point amuta, à combattre à cette affaire. Amuta kumbana mui mambo. Présentez-vous, tu, tenez-vous là, na mushimame pali, et vous verrez ona, la délivrance ukombozi, que l'Éternel ile wa milele vous Mungu accordera. Atamipati. Juda Yuda, et Jérusalem. Na Yerusalem, ne crains point, usiogope kitu, ne craignez point, usiogope, et ne vous effrayez na point, usiokuwa na oga, demain, kesho, sortez, mutoke, allez raconte, mwende kukutana na, et l'Éternel na wa milele yo sera avec vous, atakuwa pamoja na mwe. Alléluia. Amen. Allez bien mes frères. Sasa wapendwa banduku. Mais ce qui avant le départ, kile kilikuwa mwanzo. La Bible dit, verset 20, le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Allez départ. Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda, et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous rassurez. Alléluia. Amen. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermi dans la foi, affermi dans la vie chrétienne, affermi dans les épreuves, et confiez-vous aussi à ses serviteurs et vous rassurez. Alors mes frères et sœurs, chaque fois que le peuple de Dieu est mis devant les épreuves, et lorsqu'ils sont découragés, affaiblis, désespérés, Dieu vient toujours pour les fortifier par sa parole. Et je pense que ce soir, chacun de nous a un problème qui le dérange. Mais ne t'inquiète pas. Nous avons un Dieu qui n'a pas de problème, mais qui a des solutions pour nos problèmes. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, découragés et fatigués, moi, je vous donnerai la solution. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Alors, bien aimé frère, même du temps de David, du temps de Saul, parce que c'est Saul qui était le roi en Israël. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Nous avons lu quelque chose là-bas. Le peuple de Dieu était en conflit avec les Philistiens. Et pendant 40 jours, les Philistiens, l'homme de Gad, défiait la main d'Israël. Les Philistiens se présentaient là devant les camps. Et il a déclaré, pour qu'il ne puisse pas voir des pertes dans la vie des humains, cherchez quelqu'un parmi vous comme un volontaire. Et moi, je me prends comme un volontaire du côté des Philistiens. Si moi, je bats votre champion, vous devenez nos esclaves. Mais si votre champion me tue, moi, nous serons vos esclaves. Mais du côté d'Israël, il n'y avait personne qui pouvait relever le défi. Et un jour, David, il était venu pour visiter ses frères. Et il a vu comment ces Philistins incitaient l'armée d'Israël. Alors David, il s'est révolté. Il dit, mais comment pouvez-vous permettre que ces Philistins, c'est circoncis, puis c'est incité, le Dieu de la main d'Israël. Alors, bien aimé frère, Saul a bengi David. Mais lorsque David s'est présenté devant Saul, comme l'Esprit de Dieu était en David, parce que David, il était déjà en ouin par le prophète Samuel. Alléluia. Un homme qui a le Saint-Esprit, il n'a pas peur des démons, il n'a pas peur de Satan, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ, c'est un esprit fort, d'une puissance. Alléluia. Amen. Et David, na Daoudi, il dit à Saul, comme le peuple était découragé, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 18 verset 32. Samuel kwanza 17 mstari wa 32. Verset 32. David dit à Saul, Daoudi akamwambia Saul, que personne kushukue muntu ne se décourage apate kupoteza nguvu odari à cause de ces Philistins. Juu ya umu Philistina. Alléluia. Amen. Vous voyez? Parce que tout le monde était découragé. Peut-être ce soir, tu es découragé. Mais ce soir, le Saint-Esprit te dit, ne soyez pas découragé. Soyez fort. Prends courage. Reprenez la force. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et Saul dit na Saul akasema, à David, non David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Le Philistin là que tu vois, c'est un homme de guerre. Ni muntu wa depuis sa jeunesse. Mais toi, lakini wewe, tu es qu'un enfant. Uko tu, ni mtoto. Tu ne peux pas oser awezi kupima, d'aller se battre avec ce Philistin. Il est bien formé. Bien sûr qu'il est bien formé. C'est un homme de guerre. Ni kweli, shetani mtu wa vita, tangia kumbingu. Mais la Bible dit quoi? Lakini Biblia inasema nini? Il indique dans les cieux. Asema alitoka kumbingu. Lucifer. Lucifer. Michael. Michael. Combattit contre Lucifer. Alimkumanisha Lucifer. Mais Lucifer. Lakini Lucifer. Ne fut plus trouvé plus fort. Ashikupatikanike kwa wangu. Alors vous connaissez ça? Eti mnajua ile? Lucifer. Lucifer. Au ciel. Kumbingu. Alivota ki. Mukutomoka. Il s'est révolté contre Dieu. Mais Michael, Michael avec César, na ba malaika baki, et Lucifer aussi, na Lucifer na ye, ye, na nkunji yake, vitu bezalaki kuna. Vite kwa kule kumbini. Mais Lucifer, lakini Lucifer, azalaki makasite, ashukwe na nguvu, ilo precipite si bari mutupa pa dunia. Mais c'est un homme de guerre depuis des siècles. Lakini muntu wa mvita tangia kumbini. Mais même ici, il est venu sur la terre. Atapa kwa pa dunia. Le même Dieu. Ule Mungu moja moja. Ule kile kikolo. Ule alimtupa kule yulu. Le même Dieu. Ule Mungu moja moja. Il est avec nous. Eko pamoja nasi. Ndenge alonga kile na likolo. Paka vile alimtupa kule yulu. Yesu Kristo yake na mabelewa. Yesu Kristo wakati kwa pa dunia. Alikuwa tena kumuwina. Parce qu'il y a quand ça qui n'a qu'albi de quoi la faire. Ça va voir Oasis aussi ma vie d'arpoteza. Arpoteza ouais c'est pour le combien. Atataola sa dunia yote. C'est pour ça Jésus tanga yaki. Njoo kwa maana wakati Yesu alikuya. Aliweza ku nyanganya nguvu ya rufu. Na makao ya baba. Je depuye. Shetani mashaka kumnyanganya byote. Inari yafe. Ana na kitu banduku. Mshikwe boka naye. Alleluia. Amen. Écoutez. Musiki. Eh David dit. Na Daudi akasema Saul lui dit, non, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Car il est un homme de guerre. Mais toi, tu es un enfant. Mais Saul ne savait pas que David avait une expérience personnelle avec Dieu. Ça m'a formé qui est. C'est pour cela, frères et sœurs, que les alinaba épreuves nous ont formé. David a raconté à Saul, tu me négliges, tu me méprises parce que je suis un enfant. Mais attendez, je vais te raconter mon expérience avec Dieu. Écoutez, musiki. David dit à Saul, Daoud a ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à réveiller les troupeaux, Simba ou le akwana onganya ba kondo, je courais après lui. Ni kwa na mufuata na kumfuata. Je l'ai frappé. Ni kwa na mupiga. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. Ni kwa na nyanganya kondo mkinywa yake. Si c'est dressé contre moi. Kama ni shimamia kumbele. Je l'ai saisissé par la gorge. Ni kwa na mbeba panchingo. Je l'ai frappé. Na kumupiga. Et je l'ai tué. Na kwa kumua. C'est ainsi que. Jo vile. Ton serviteur. Mtumishi wako. A terrassé le lion. Ariwa simba. Et l'ours. Na ule ours. Et il en sera na itakuwa paka du Philistin. Na ule mfilistin. C'est ainsi concis. Na uwe washipo kutairiwa. Comme l'un d'eux. Sawa mumoja wabo. Car il a incité la main de Dieu vivant. Sababu anachambula jeshi ya Mungu mwenye kwaya. Verset 27. Donc, 37, pardon. Et ma David dit encore. Daoudi akasema tena. L'Éternel. Wa milele. Qui m'a délivré de la griffe du lion. Ukombo wa kumankucha ya simba. Et de la patte de l'ours. Na ya mkuli ile ya ours. Me délivrera aussi. Atanikomboa tena. De la main de ces Philistins. Na mkono ya ule Philistin. Alléluia. Amen. C'est ça l'avantage. Joyo, il d'avoir une expérience personnelle avec Dieu. Ya kipeke na Mungu. Tu auras toujours confiance à Dieu. Utakuwa paka na matumaini na Mungu. David dit. L'Éternel. Wa milele Yehova. Qui m'a délivré. Ula rikomboa. De la griffe du lion. Umankucha simba. Na pate de l'ours. Na kumukuru ya ours. Me délivrera aussi. Atanikomboa tena. Alléluia. Amen. Mon frère, ndugu yangu, soko zala kina ba problem. Wakati kuna mambo, iya de cela 10 ans passé. Na kwata miaka 10 inapita. Même 5 ans passé. Hata miaka 5 inapita. Eke nzambe ya lola. Na Mungu wa kumbingu. Apesa kio solution. Anakupatia jibu. Aujourd'hui. Leo. Si tu as encore des problèmes. Kama ungaliki na mambo. N'ayez pas peur. Hapana kwa na oga. Ayez toujours confiance. Ukuwe paka na matumaini. Na ule Mungu. Ka ina pa changer. Sababu ashia badilika. Eko Mungu moja moja. Alléluia. Amen. Oui, frère bien-aimé. Dieu va peindre bandou. C'est pour cela. Je crois man. Chaque fils. Oule mto. Fille de Dieu. Bintu wa Mungu. Doit avoir. Anapasha kuya. Une expérience. Na onjo. Personnelle avec Dieu. Ya kipekee na Mungu. Ne combattez pas par l'expérience de quelqu'un d'autre. Hapana kukombana maonjo ya mtu mwingine. Wewe unapasha kuya. Ton propre expérience. Na onjo yako ya wewe mwenyewe. Tu vas expérimenter Dieu. Unapasha kumuonja Mungu. Il y a un moment. Huko wakati ile. Où on prêche si la foi. Mule bone tubiri yule imani. Sur la nouvelle naissance. Yule kuzaliwa kwa jipya. Mais il y a aussi un temps. Huko tena wakati mwingine. Nous devons faire l'expérience. Mule tunapasha kufanya onjo. De la foi. Ya imani. Et de la nouvelle naissance. Na ya kuzaliwa kwa jipya. Haiwezi bakia paka misemo bule. Mais ça doit être une pratique. Inapasha kuya mambo ile unaunja. Alléluia. Amen. Je ne t'abandonnerai pas. Shita kwa chili ya kamwe. Et parfois frère. Na wakati ngine bambi. Comme les jeunes hébreux. Vile babi. Paka vile babi jana ba Ibrania. Les jeunes hébreux. Shadrach, Meshach, Abednego. Ba jana ba Ibrania. Shadrach, Meshach, Abednego. Barikuwa mbele mfalme na Nebukadnezar. Et ils étaient même intimidés par les rois. Barikuwa ata washa kubangamiza kwa mfalme. Mais ces trois croyants. Bale ba minifu batatu. Batika la ki ferme. Bale ba kia imara. Nous n'avons rien à te répondre là-dessus. Voici le Dieu que nous servons. Est capable de nous délivrer devant ta main et devant la fournaise ardente que tu as. Alléluia. Alléluia. Kwa mfalme na Nebukadnezar. Abona kilo kwa baventure. Arona sana michezo. Kwa mabatu bako saka liboso ya moto. Je abantu wenzao abaogope moto. Mais ne savait pas que c'est quoi yala. Bale ba minifu. Badala kina foi. Balikuwa na imani. A un Dieu véritable. Ndani ya Mungu wa kweli. Un Dieu capable. Ule Mungu wa uwezo. De le délivrer. Ya kwenda kwa kumboa. Même devant la fournaise sada. Hata mbele ile tanuri ya moto. Mais regardez une chose frère. Sasa mungari kitu kimoja bando. Papa tu peux te poser des questions. Sasa niweze kujiuliza. Mais pourquoi j'ai pris? Sasa jua ningu naomba. Ni unafunga chakula. Ni pas de signe. Malama. Je ne vois pas, même je ne reçois pas de réponse. Oui, Dio. L'absence de Dieu. Kukosa. L'absence de Dieu. Mungu kama anako. Ne traduit pas l'absence de Dieu. Mungu kama shijibu anasema Mungu anako. Reste silencieux. Hata kama Mungu anabakia kimya. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Aisema sima Mungu anako. Il est toujours à côté de toi. Eko paka pembeni yako. Il est en train d'observer. Lakini yako angalia endelea kuangalia kile utafanya. Est-ce que tu es placé devant une épreuve? Wakati unapita mjari. Est-ce que tu vas le renier? Eh, tutamkatala. Est-ce que tu vas renier ta foi? Eh, tutakatala imani yako. Eh, ils étaient là. Na barikuwa pale. Pendant que bazo kanga bango frère. Wakati wako nafunga. Dieu était là. Mungu alikuwa pale. Il restait toujours silencieux. Alibacha alibakia paka kimya. Ils les ont amenés. Baribapeleka. Ligoté. Lié. Avec les trois soldats vigoureux. Dieu était là. Mais il restait silencieux. Mais lorsque ses frères. C'est à ce moment. C'est lui qui était invisible. Il s'est rendu visible. Où? Dans la fournaise ardente. Alléluia. Amen. Il ne laisse jamais les croyants. Dans le moment de l'épreuve. Et les trois soldats. Ils étaient brûlés par le feu. Mais ils étaient brûlés par le feu. Ils étaient brûlés par le feu. Ils étaient brûlés par le cela frère, même dans l'épreuve, atamu majaribu, tu ne seras jamais vaincu. Auta shindi wa pan. Utakuwa paka mshinda. Alléluia. Amen. Je ne t'abandonnerai pas. Shita kwa chili ya kamwe. Même mes frères, lisons rapidement les Écritures. Ne t'inquiète de rien. La Bible dit ceci. Dans Ésaïe chapitre 43. Oh, verset premier, au verset de, disons. Ainsi, parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé Jacob? Celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien. Quand je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux. Je serai avec toi. Et le fleuve. ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Vous voyez ici, les eaux, le feu, ce sont les épreuves que nous pouvons traverser. Mais Dieu nous dit que même si nous traversons par le feu, le feu ne nous embrassera pas. Alléluia. Amen. Lisons encore. Dans Esaïe 41. Isaïe sura 41. Tu peux abandonner Dieu. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Lakini Mungu hawezi kukuacha. Ta famille peut t'abandonner. Jamaa anaweza kuachilia. Ta relation peut t'abandonner. Mapatano yako yanaweza kuachilia. Ta famille peut t'abandonner. Mke wako anaweza kukuachilia. Ton mari peut t'abandonner. Mume wako anaweza kuachilia. Mais Jésus Christ lui dit. Lakini Yesu Kristo anasema. Je ne t'abandonnerai point. Sitakuachilia kamwe. Je serai toujours avec toi. Nitakuwa pamoja nawe. Il est l'ami fidèle. Eko rafiki mwaminifu. Ayez confiance en lui mon frère. Uwe na matumaini ndani yake bado. Tu peux perdre les parents. Unaweza kupoteza wazazi. Tu peux te dire je suis un orphelin. Mais Jésus Christ lui dit, je ne te laisserai pas orphelin. Je serai avec toi. Écoutez. Musiki. Esaïe 41. Isaïe 10. Verset 10. Ne crains rien. Usiogope kitu. Quand je suis avec toi. Sababu niko pamoja nawe. C'est Dieu qui te parle ce soir, ma soeur. C'est Dieu qui te parle, mon frère. Ni Mungu anakuambia nduku yangu magharibi. Ne crains rien. Usiogope kitu. Quand je suis avec toi. Sababu niko pamoja na wewe. Ne promenez pas les regards inquiets. Hapana kuzungusha macho moyo ya huzuni. Quand je suis ton Dieu. Sababu niko Mungu wako. Je te fortifie. Mimi nakutia nguvu. Je viens à ton secours. Mina kuya kusaidia. Je te soutiens. Na mkono de ma droite de triomphante. Na hukume yangu ya ushindi. Alléluia. Amen. Oui frère. Ndio wanduku. Ne crains rien. Usiogope kitu. Ne crains rien. Usiogope kitu. Je suis avec toi. Niko pamoja na wewe. Ne promenez pas. Hapana kuzungusha macho inkiye. Ya huzuni. Ça veut dire le regard de désespoir. Macho ya ushiko ya kosa matumaini. De désespoir. Macho ya kukosa matumaini ya mauzuni. Tu es désespéré. Unesha kukosa matumaini. Je te dis. Sasa Mungu anakuambia. Ne promenez pas. Hapana kuzungusha macho ya huzuni. Tu commences à chercher. Comme David. Je lève mes yeux. Mina namusha macho yangu kwa milima. D'où me viendra le secours? Wapi kule msaada takuja? Le secours te vient de l'Éternel. Msaada yako utatokea ni kwa milele. Jésus Christ est ton secours. Yesu Kristo ni msaada yako. Il est ton Dieu. Il est ton sauveur. Ni mwokozi wako. Il est tout pour toi. Ni yeko biote juu yako. Fais-lui confiance, c'est ma foi. Tumaini tu nduku yangu. Fais confiance à Dieu, maman. Ne regardez pas aux circonstances. Mais regardez la parole de Dieu. La parole de Dieu ne faillira jamais. Oui, frère. Écoutez. Voici, ils seront confis. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras. Et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent des querelles. Ils seront réduits à rien. Réduits au néant. Ce qui te fait la guerre, ce qui te fait la guerre, quand je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ce soir, ton Dieu, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains rien, vermisseau de Jacob, alléluia, amen. Faible reste d'Israël. Il est ma baki à ton secours. Dis l'Éternel. Et le Saint d'Israël. Est ton sauveur. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Bien-aimés frères et sœurs. Même l'homme de Dieu. Le berger. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Il ne te délaissera point. Il n'a pas abandonné Moïse. Il n'a pas délaissé Moïse. Il n'a pas abandonné Josué. Il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous. Mais avant que les épreuves arrivent, nous pouvons passer par les épreuves. Mais après les épreuves, j'ai la bénédiction. Alléluia. Amen. Vous pouvez même noter ça. Lisez dans vos maisons. Dans le livre de Job. Chapitre 42. Verset 10 à 12. La Bible dit. Pendant ces dernières années. Job reçut plus de bénédictions. À l'éternel. Qui n'avait reçu dans les premiers. Pendant ces dernières années. Bien aimé frère de sœur. Dieu est entré d'écrire une nouvelle page dans l'histoire de ta vie. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas encore fini. Malgré tu passes par les moments difficiles, mais Dieu n'a pas encore dit un mot. Il est capable. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, il est la solution. Je vais terminer en lisant l'écriture de Hébreu. Hébreu 13 verset 5. Hébreu 13 je sais que vous avez beaucoup prié. Peut-être que vous êtes fatigué. Mais nous avons un Dieu qui nous réconforte. Qui nous donne la force. Donc nous sommes abattis. Pour les problèmes et les déceptions de la vie. Mais lui il nous fortifie. Et il nous dit. Ne promenez pas les regards inquiets. Ne pleurez pas. Il est ta solution. Fais-lui confiance. Hébreux chapitre 13 verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contactez-vous de ce que vous avez. Quand Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? C'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur Jésus-Christ est mon aide. Alléluia. Amen. Bien aimé frère, et le verset 5 ici dit, contactez-vous de ce que vous avez. Oui frère, nous avons quelque chose de plus meilleur. Nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Nous avons la parole. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est la réponse à toutes nos questions. Il est la solution à tous nos problèmes. Il avait même changé de l'eau en vin. Il est capable de changer ta maladie à la guérison. Il est capable de changer ton humiliation à l'élévation. Il est capable de changer ta situation. Fais-lui confiance. Ayez foi en Dieu. Il nous rassure. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Chacun de nous va avoir confiance à ce Dieu fidèle qui ne change pas. Que Dieu vous bénisse.